Les Odyssées de France Inter avec Pronote. Toute la vie scolaire en une seule appli. Pour les profs, les élèves et aussi leurs familles. Notre Odyssée commence avec la voix d'un père qui s'adresse à son fils. Quand tu entres dans une forêt, Vincent, il faut y aller sur la pointe des pieds. Ici, tu n'es qu'un invité, un être de passage. Nous sommes en novembre 1988, à l'est de la France, au milieu des Vosges, dans la forêt de Chamagne. C'est la nuit. Autour de nous, sous les rayons de lune, des chênes, des hêtres, des sapins immenses relient la terre jusqu'au ciel. Ça sent les feuilles mouillées, la mousse et le froid. Le petit Vincent, 12 ans, tremble. Pour la première fois, il va pister seul des animaux. Tu as bien ton appareil photo, hein ? Vincent hoche la tête. Ouvre grand tes oreilles et tes yeux. Tu vas découvrir de sacrées merveilles. Allez, bonne chance. On se retrouve demain matin. Voici Vincent allongé par terre. Recouvert des pieds à la tête par son filet de camouflage, il s'est transformé en amas de bois sec. Les heures passent. Il attend. Il guette. L'œil collé à son appareil photo, il cherche l'invisible. Du vert, du brun, du bleu apparaissent peu à peu dans le noir. La nuit devient rose, le soleil recouvre le monde d'or. Tendu comme une flèche, à l'affût du moindre son, Vincent laisse la forêt entrer en lui. Soudain, là, dans son dos, des feuilles croustillent. Qu'est-ce donc ? Un sanglier ? Un renard ? Les pas s'approchent, puis s'arrêtent. L'animal respire, tout près, à quelques centimètres. Ensuite, plus rien. S'est-il éloigné ? Oh purée, non ! Une masse sombre apparaît tout à coup devant l'objectif. Un, deux, trois, toute une famille de chevreuils se fige dans la rétine de Vincent. Face à lui, la beauté, la grâce, la délicatesse animale. Tremblant de peur et d'émotion, l'enfant appuie sur l'appareil. La photo est prise. Bon, elle sera floue, mais qu'importe. C'est là que tout commence. Vincent Meunier est un poète de la nature. Dans l'Himalaya, au Japon ou bien dans les Pyrénées, il parcourt le monde sur la trace des animaux sauvages. Il a photographié des chouettes des neiges, des bœufs musqués, des ours bruns, des yaks. Vincent, mais comment faites-vous pour les approcher? Le tout, l'or, c'est de s'effacer dans la nature, de devenir quasi invisible. Oui, c'est-à-dire que la discrétion, c'est pas trop mon fort en général. Mais bon, je vais essayer. Imaginez un monde fait de neige et de glace, balayé par le vent. Cette terre blanche, à l'extrême nord de notre planète, s'appelle l'Arctique. Là-bas, il fait moins 50. La vie humaine ne tient qu'à un fil. Pourtant, c'est bien là que nous nous rendons. Le boucan d'enfer que tu entends, c'est un Twin Otter, un petit avion à spatule pour se poser sur la glace. Il a décollé il y a 2 heures de Resolute Bay, un village inuit situé tout au nord du Canada. Vincent Meunier à la recherche du loup blanc de l'Arctique. Youpi ! C'est parti pour une nouvelle odyssée ! Les yeux brillants comme des boules de Noël, Vincent observe le désert de glace défiler à travers le hublot. Chaque fois, il éprouve le même émerveillement de retrouver cette terre blanche, montagneuse ou bien plate, fondillée de partout, parsemée de petites bosses comme des cloques ou bien de somptueuses fleurs gelées. L'or, regardez. C'est juste magnifique. On touche l'infini du monde. Vincent aime le froid. Dans les Vosges de son enfance, les hivers sont rigoureux. Et il en a passé des jours, des nuits sur la terre glacée à attendre les animaux. Son corps a appris à parler le langage du froid. Toute son existence, il n'a fait que ça. Chercher et suivre la glace où qu'elle le mène, toujours plus au nord, toujours plus loin vers le monde sauvage. Toujours plus au nord, c'est là que vit le loup blanc de l'Arctique. L'animal fabuleux que les Inuits appellent le fantôme des steppes. La dernière fois qu'un humain a croisé sa route, oula, c'était il y a jolie lurette, il n'a pas été photographié depuis 25 ans. Vincent rêve de rencontrer ce somptueux animal depuis qu'il est tout gosse. Alors, qui sait, peut-être cette fois ? Entre nous, ça m'arrangerait, sinon, qu'est-ce que je vais raconter ? Ça y est, l'avion amorce sa descente. Oula, accrochez-vous, purée, ça va secouer. Bienvenue sur l'île d'El Sommet. Vincent enfile son armure contre le froid. D'épais vêtements de protection qui lui donnent l'allure d'un astronaute, un large masque et surtout des moufles. À cette température, en perdre une, c'est perdre une main. Alors, en perdre deux, c'est perdre ses deux mains, j'imagine. Le temps de décharger le matériel, le pilote est de retour dans sa cabine. L'avion glisse sur ses skis, décolle, puis disparaît dans le ciel. Et soudain, le silence. Absolu. Éternel. Sur cette terre vierge et gelée, un seul petit pas résonne infiniment loin. Et si Vincent réveillait un ours blanc endormi ? Les villages les plus proches sont à des centaines de kilomètres. S'il se blesse, l'avion mettra 6 jours pour venir le chercher. Le voici seul, pour de vrai, seul au monde. C'est une drôle de sensation. Dans son ventre, des centaines de papillons dansent la lambada. C'est un mélange d'angoisse et d'extrême excitation. Voilà. Vincent balaye des yeux l'immensité blanche. Nous sommes au mois de mars. À cette époque, la lumière polaire est sublime. Rose et bleue, elle colore le ciel en dansant, en caressant la glace. Ébloui par toute cette beauté, Vincent pleure des larmes de glace. Ça tombe bien. J'ai besoin d'un petit glaçon pour mon whisky. Ça réchauffe. Laure, ça va? Je vous dérange pas? Oh, pardon. Excusez-moi. Vincent se transforme. Tous ses sens sont à l'affût. Il perçoit les couleurs, les sons, de façon beaucoup plus intense. Immergé au cœur de la vie sauvage, il devient lui aussi un animal sauvage. Il oublie la faim, la fatigue et même d'éventuelles envies de faire pipi. Une seule chose compte désormais, pister le loup blanc. Vincent, sur ses skis, propulsé par ses bâtons, se met en route. Enfin, il essaye. Purée, que c'est lourd! Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Notre homme tire une sorte de traîneau qu'on appelle une pulka et qui contient 80 kg de matériel. Il y a là de la nourriture en poudre, un duvet, une tente en réchaud, des panneaux solaires, une batterie, un appareil photo et bien sûr, plusieurs téléobjectifs ultra puissants qui permettent de voir sans être vu. Chacun de ces objets est essentiel à sa survie. S'il perd son réchaud par exemple, comment faire fondre la glace pour la boire ? Vincent avance, tant bien que mal, un coup de ski après l'autre. Il évolue désormais dans un autre monde. Ici, on perd tous ses repères. La lumière est parfois si vive qu'on ne distingue plus rien. Ni la glace, ni le ciel, ni l'air, ni la terre. L'horizon disparaît. Les heures passent. De longs rubans fins se dessinent sur la glace. Hé, Vincent, on se reposerait pas un peu, là ? Si, d'ailleurs, c'est pile poil le moment. Vincent installe sa tente. Il se faufile à l'intérieur pour y dormir quelques heures. Lorsqu'il se réveille, ça souffle fort! La tempe tremblante! Oh non, c'est pas vrai! Une tempête? Ah, enfin, génial, elle est là! Je rêve ou notre bonhomme est ravi? J'adore les tempêtes, Laure, j'adore! Lorsque le blizzard il crie si fort, on a beau hurler, personne ne nous entend. Le vent, il est vivant, puissant. Tenez, écoutez! Ni une ni deux, Vincent brave les éléments pour prendre quelques photos. Le monde tout autour est recouvert d'un épais velours gris. Pardon de vous déranger, Vincent, mais qu'est-ce que vous voyez dans cette purée de pois? Bah, pas grand-chose. Mais la netteté, en fait, je m'en moque un peu, quoi. Ce que je veux capturer, c'est cette émotion incroyable, la rencontre. Vous comprenez? Ah oui, d'accord. Les jours passent. Notre aventurier se force à manger régulièrement. À cette température, si le corps n'absorbe pas ce qu'il faut de calories, il fond. Vincent est si épuisé qu'il dort en marchant. Sa vision se trouble, mais il a un moral d'acier. Il continue à avancer, coûte que coûte. Parfois, sa pulka reste coincée derrière lui. Son cœur se met à battre la chamade. Et si c'était un ours qui avait posé sa patte dessus? Un méchant coup de griffé. Hasta la vista, bébé. Vincent se retourne alors très lentement. Heureusement, ce n'est souvent qu'un bloc de glace coincé en travers du chemin. Le jour, le froid brûle. Oh là là là là. Pour lutter, il danse, il chante, il claque des doigts, il n'arrête jamais de bouger. La nuit, c'est encore pire. L'intérieur de sa tente est un véritable frigo. Vincent ne sent plus ses pieds. Le matin, lorsqu'il se réveille, il n'arrive pas à sortir de son duvet qui s'est transformé en coque de glace. Vincent se tortille alors dans tous les sens. Ça y est, il est debout. Il peut reprendre son voyage dans l'infiniment blanc. Un soir, des centaines de petites boules de coton blanc apparaissent sur la banquise. Ma parole, je rêve? Mais non, elles bondissent! C'est une bande de lièvres arctiques! Il fait moins 40, mais tant pis! Vincent s'allonge sur la glace. Il se fond dans le paysage. Il attend. Ça y est! Il s'approche de plus en plus près! Oh, c'est magique! Vincent réussit même à les caresser. Oh là là! Cela fait 7 jours que notre explorateur fou avance sur la banquise. La température frôle les moins 50. Entre nous, il est un peu au bout du scotch. Soudain, il aperçoit, là, une trace de patte dans la neige. Oh. Elle est fraîche. C'est celle d'un loup. Le cœur de Vincent bondit dans sa poitrine. Sa respiration s'accélère. Ils sont tout prêts. Le lendemain, à l'abri du vent dans sa tente, le voici qui scrute l'infini avec ses jumelles. Tout à coup, il aperçoit des points jaunes danser dans la brume lointaine. Des canaris? Des balles de tennis? Oh purée, non! Oh non! Non, ce sont des loups! Des loups qui se rapprochent à la vitesse grand V! Oh purée! Ils sont en train de foncer sur lui! Quelques minutes plus tard, la meute l'encercle. Vont-ils lui croquer les mollets? Pour l'instant, il l'observe. Vincent plonge son regard droit dans leurs yeux. C'est une sensation étrange et magique. Extrêmement puissante. Ces loups n'ont probablement jamais rencontré d'homme avant lui. Peu méfiant, il s'approche. Vincent saisit son appareil photo, puis il s'allonge. Les plus jeunes loups, curieux, viennent tirer son pantalon avec leur gueule. Vincent prend environ 2000 clichés. Au bout d'une heure, la meute s'en va. Vincent a le souffle coupé. Ça y est, il les a rencontrés, ces fameux fantômes de la toundra. Et bon sang, ils sont magnifiques, majestueux. Vincent explose de rire, de joie. Il pleure tellement il est ému. Oh bah ça tombe bien. Je voulais me servir un petit whisky. Oh bah non Laure, pas à chaque fois. Oh dommage, il y avait des glaçons à gogo là. Vincent poursuit son voyage. Il ne croise pas d'autres mots. Presque 3 semaines se sont écoulées. Notre aventurier plante sa tente pour y passer sa dernière nuit. Soudain, il entend la glace craquer. Oh non, pas un ours, pas maintenant. Vincent se retourne. C'est un loup solitaire venu lui dire au revoir. L'animal tourne autour de Vincent durant de longues heures. On dirait qu'il communique d'une façon extrêmement mystérieuse. Lorsque deux créatures sauvages se rencontrent, ils échangent des secrets qui n'appartiennent qu'à eux. Entre ces deux-là, nul besoin de faire fondre la glace. Derrière cet épisode, il y a Julien Chabassu, Cédric Diallo, Marion Lelay, Fanny Leroy, Vincent Meunier dans son propre rôle, et d'ailleurs on le remercie, et moi, Laure Grand Besançon. L'île d'Elsemer est la 10e plus grande île du monde. Elle se situe dans la région du Nunavut, un territoire qui fait partie du Canada, mais qui est gouverné de façon autonome par ses habitants, les Inuits. C'est tout de même la moindre des choses. Les Odyssées est un podcast original de France Inter.